Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui, on découvre une association de supporters basée près de Nancy qui rassemble des passionnés de sport depuis 30 ans. Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous allez organiser le 19 avril un loto-bingo spécial sport. Ce sera à Froire. Un mot déjà pour présenter votre association Supporters Club de France. Depuis 30 ans, on suit les équipes de France, ça a commencé avec le football. Aujourd'hui, on est multisport puisqu'on suit aussi le rugby qui est en plein boom avec cette dernière victoire dans le tournoi destination, mais aussi le hand. Et puis dès qu'il y a l'occasion et que des équipes de France se présentent dans le Grand Est, on va les encourager. On a une association, donc comme vous disiez, basée à Froid, à côté de Nancy. On a 700 membres, un peu répartis dans toute la France, mais surtout dans le Grand Est, un peu au Luxembourg, maintenant en Belgique. C'est ça qui est amusant, parce qu'on voit qu'on bouge durant notre vie. Et puis, on se retrouve, on fait des déplacements, des sorties à l'étranger, des voyages. On a visité en 30 ans plus de 40 pays. On sera présent cet été à une centaine de membres à la Coupe du Monde aux États-Unis pour le Mondial. Et puis, l'idée, c'est de se rassembler, fédérer, mettre en place des actions. Et une des actions qui est un peu hors de notre champ habituel, c'est l'organisation de ce loto-là, qui est dédié avec des dotations que avec le sport ou le loisir. L'idée, c'est de mettre les gens à la pratique de sport existant depuis longtemps ou nouveau, émergent. Il y a pas mal de complexes qui existent sur Nancy et en Lorraine. Et le but, c'est aussi mettre en avant ces différentes possibilités qui permettent de découvrir d'autres passions ou d'autres sports. Vous allez mettre en avant des sports émergents, comme vous l'avez dit. De paddle, de kinball. Oui, tout à fait. Il y a des complexes de foot 5 contre 5. Puis bon, on a associé des partenariats. On est bien fournis sur notre territoire. Et l'idée, c'est qu'à travers une activité ludique comme le loto, le bingo, parler de ça, mettre aussi en lumière notre association. Là, j'ai pas mal de membres qui vont donner un bon coup de main le jour J. On attend 200, 250 personnes. La salle reste limitée. Et ça se passe un dimanche après-midi durant les vacances scolaires. Et le but, c'est de passer un bon moment, rigoler, et puis récompenser, doter les gens de vélos, de ballons, de maillots, d'initiation, la science Lorraine a joué le jeu, le slug basket a joué le jeu. Voilà, on va parler de basket, de hand avec les dragons, puis les sports d'eau, les sports de combat, les sports d'éveil ou la gymnastique ou des choses de sensation avec des stages de pilotage et le karting au Berlin qui joue le jeu aussi à Nancy. Montrer qu'il y a plusieurs possibilités pour s'épanouir. Voilà l'idée un peu de cette journée qui est un peu notre kermesse, on va dire, de l'association. Vous l'avez dit, 700 membres au sein de l'association. Ouais. Ouais, 700 membres, on est content. Bon, il y a beaucoup de familles, donc ça chiffre vite, des familles de 3-4 personnes. Parce que quand le père nous rejoint, il vient souvent en compagnie de fiston, puis après, il fait ramener madame, parce qu'il trouve l'esprit sain, sympathique. Dernière sortie pour France-Angleterre en rugby, on a fait une petite collation autour du pâté lorrain. On s'est partagé des moments avec des pronostics, là on faisait du grattage. On est sur notre site, on fait beaucoup de petits rassemblements comme ça avec des concours de pétanque, des tournois de pétanque, des bowling. Le but, c'est que les gens et un lien pour échanger autour de leur passion, qui est des débats, des brefs de comptoir, comme j'appelle ça, moi. C'est qu'ils rencontrent d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées, mais qu'ils échangent sans se battre, pour autant. Mais c'est toujours intéressant de voir des gens avoir des débats, des fois un peu plus ou moins musclés. Et tout ça autour des équipes de France. On a été bien fournis avec les Jeux Olympiques de 2024, là, avec les derniers Jeux Olympiques d'hiver. Il y a d'autres grands événements à venir. Il y aura les Jeux Olympiques en 2030. Là, il y a pas mal d'autres événements qui seront pas très loin avec l'Espagne, le Portugal, avec un championnat d'Europe de foot au Royaume-Uni, avec les 5 pays, l'Écosse, l'Air, la Pays de Galles, l'Angleterre, tout ça. L'association, elle existe, comme vous disiez, depuis 30 ans et a parcouru un bon chemin. Puis on continue parce que on aime ça. Moi, j'ai des membres qui sont là depuis le tout début et puis d'autres qui viennent de prendre le pas, de nous rejoindre en ayant entendu parler de nous, en nous ayant vu dans les stades. Et, alors, on nous repère souvent parce qu'on présente le drapeau lorrain, jaune et rouge, donc on nous repère, et c'est ça un peu le petit cliché. C'est bon enfant, je veux dire, c'est pas le supporter, on va dire, ultra supporter qui va aller se battre ou envoyer des fumigènes ou mettre du désordre dans un stade. Le but, c'est d'encourager, même si la France est menée, puis c'est d'accepter aussi des fois la défaite, qu'on accepte plus volontiers la victoire. Voilà, supporter Club de France que vous connaissez depuis quand, Sylvain Quiroz? Alors, j'ai pris la relève de mon frère qui l'avait créé en 92 quand Platini était sélectionneur. Et puis après, il est allé aux États-Unis où la France n'était pas qualifiée en 94. Il s'est rendu aux États-Unis et puis il s'est dit, mince, dans 4 ans, ça se passe en France, la Coupe du Monde en 98. Et il n'y a aucune association qui est mise en place, même par la fédération. Donc, de la Maison des Sports de Tomblaine, il a monté cette structure avec une vingtaine, trentaine de personnes qu'il suivait lors des déplacements. Et puis bah, après, c'est monté en puissance. Et mon frère jumeau nous a quittés en 2001. Et moi, je me suis engagé à poursuivre un peu son œuvre et à développer ça parce qu'il avait prévu de le faire vers les autres disciplines, vers les autres sports. Et là, c'est le cas. On est en contact. On a des comptes avec les fédérations pour obtenir de la billetterie. Et puis ben, là, on met en place des voyages. Alors, on suit très près l'actualité. On met en place un calendrier qui est en place sur notre nouveau site. On vient de lancer un nouveau site, là, la 5e version depuis l'existence de l'association. Des fois, il y a des nouveaux qui demandent à rejoindre le groupe. Ben, c'est volontiers. Le club n'est pas fermé. Il y a tous les âges, toutes les origines, toutes les catégories socioprofessionnelles. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on arrive à rassembler autour d'un ballon, autour d'une raquette ou d'un autre accessoire, ben, des gens autour d'une même vision, même passion, celle des équipes de France, ce qu'on va dire des équipes de France et non pas une équipe de France. Et sur ces 30 ans de supporter, il y a un moment que vous arrivez à mettre en avant, un souvenir particulier? Oh, il y en a énormément, comme on dit, on pourrait écrire un livre, même faire une encyclopédie, parce qu'il y a tellement d'aléas. Là, sur la dernière version du site, on a essayé de retrouver des photos, on a remis des revues de presse, des articles qui parlaient de nous il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. Et ben, il y a beaucoup de chemin qui est passé. C'est après des rencontres avec des supporters adverses, c'est la découverte de pays. Après, moi, j'ai vu tellement de pays que ma mémoire est marquée par plein de paysages, de stades aussi, puisque les stades n'ont pas tous la même disposition, la même forme. On voit l'évolution aussi dans le temps, l'architecture des stades, et puis du merchandising, comment ça s'est développé. On visite des musées aussi, de clubs, lorsqu'on va à Madrid, lorsqu'on va à Lisbonne, voir le magnifique musée de Benfica, à Milan, à Turin. On a été à Munich, mais on a été aussi à Göteborg, on a été visiter le musée de Lausanne pour les Jeux Olympiques. Et vous savez, les médailles à l'époque des Jeux Olympiques avec la croix nazie, c'est des choses qui vous marquent quand vous passez dans tous ces lieux. Le musée des Verts à Saint-Étienne, vous voyez, je pourrais vous en citer un peu partout. C'est toujours intéressant de voir comment c'est mis en avant, comment les gens parlent du sport. On avait été voir un musée du sport à Göteborg, je m'en rappelle, lors d'un séjour en Suède. Et puis, c'était marrant de voir les accessoires, l'évolution au niveau des maillots. C'était un beau musée, moi, je m'en rappelle. Il y en a tellement où on voit les différentes, vous savez, les flammes, portent de la flamme olympique, là. J'avais été voir un musée aussi là-dessus, où on voit l'évolution. Des affiches aussi, les Jeux Olympiques. Comme vous l'avez dit, de quoi faire un livre sur toute cette histoire. À documenter et on s'enrichit d'images, on s'enrichit de rencontres et c'est ça un des charmes. Il y en a qui ont ça dans les timbres, qui ont ça dans une collection de bouteilles de vin ou je ne sais quoi. Nous, c'est à travers ces événements, cette mémoire du sport français. Des événements sportifs autour du sport français. Là, il y a, vous savez, le musée qui s'est ouvert à Jeuf, inauguré par Michel Platini sur le développement du sport avec, vous savez, l'immigration italienne, etc. Moi, je trouve que c'est génial de pas oublier les origines des choses qui sont mises en place, comment ça s'est installé, ça s'est développé, connaître l'évolution des règles du sport, parce que ça évolue beaucoup aujourd'hui avec l'arrivée numérique, digitale et autres, la VAR et autres. C'était pas comme ça lorsque moi, quand j'avais 16 ans, 20 ans, je suivais la Coupe du Monde en 86 ou en 84, en 82 ou même 78 avec l'Argentine. Voilà, c'est bien et ça, il faut le transmettre. Il faut savoir aussi transmettre cette fibre, cette passion aux générations qui arrivent. C'est pour ça que le loto, là, je pense qu'en faisant gagner un ballon ou une raquette, on a peut-être nos futurs champions qui se rappelleront qu'ils ont découvert tel sport, telle discipline. parce qu'ils sont peut-être allés à un loto et qu'on leur a donné une raquette de paddle ou de ping-pong et qu'ils sont devenus aussi champions dans la lignée des Lebrun, des frères Lebrun. Vous voyez, c'est ça, c'est créer des histoires à travers notre association, mettre des lignes. Il faut le partager et pas le garder, parce que souvent il y en a qui ont une passion mais qui conservent et qui la transmettent pas ou qui la montrent pas. Le sport est un moyen d'échange, voilà. Il faut créer des rencontres et le loto du 19 avril est un moyen pour que les Lorrains viennent passer une bonne après-midi, puis repartent avec des maillots dédicacés ou la réplique de la Coupe du Monde, puisqu'on aura la réplique de la Coupe du Monde qu'on fera gagner au grand vainqueur du loto avec une télé. Et puis il aura le maillot de l'équipe de France, et puis son paquet de pop-corn, et puis... plein de cadeaux, plein de souvenirs. Plein de cadeaux, voilà. Et un beau temps de convivialité, donc le dimanche 19 avril, ce sera salle Camille Frigerio. C'est ça. À Foire, de 14h à 19h. On peut s'inscrire encore ? Ouais, on peut s'inscrire en écrivant sur le site de l'association, c'est supporter avec un s.org, l'adresse mail c'est franc@supporter.org, puis il y a un numéro de téléphone qui est facile à retenir, c'est 06 09 86 86 86, 3x86. Ça rappelle une belle année où j'étais au Mexique pour ma première Coupe du Monde, vous voyez. on rapproche toujours des numéros à des événements, voilà, à des dates, et c'est ça qui est merveilleux. On a toujours après des petits pense-bêtes, des petits repères comme ça. Voilà. Merci beaucoup Sylvain Quirot, président passionné du Supporter Club de France, que vous retrouverez donc le dimanche 19 avril à Frouard pour ce loto bingo spécial sport. Et on vous suit bien sûr, vous avez le site internet et on vous retrouve également sur les réseaux sociaux. Merci à Radio Fadjet. Merci beaucoup Sylvain. Au revoir. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.